Oh, tu me donnes bien du plaisir. Tu me donnes bien du plaisir. Ma bite, oh, ma bite. Tu me